38. Le public contre le consommateur. Lu par David. Le public contre le consommateur. À travers les nouvelles technologies, s'opposent en fait deux visions des pratiques culturelles. La première considère le lecteur ou l'auditeur comme un consommateur, un individu isolé sans aucun droit. Elle lui concède certes la faculté de discourir sur l'œuvre, mais sur le même mode que l'on discute des vertus comparées de différentes lessives. La vente et l'accompagnement marketing étant la norme, tout échange est suspect. Le prêt, une survivance d'un autre âge. Dans l'environnement numérique, on constate que ces derniers sont devenus des pratiques d'évitement. Car il est impossible de prêter une chanson achetée sur un site de téléchargement légal de musique, les fichiers étant cadenassés et illisibles par des tiers. À ce modèle s'oppose une conception plus ouverte qui prône l'émergence d'un public à partir de la multitude des consommateurs de culture. Elle affirme, avec Marcel Duchamp, que ce sont les regardeurs qui font les tableaux et encourage l'autonomie de ce public, acceptant les pratiques d'appropriation qui sous-tendent son existence, dont l'échange et la copie sont parmi les plus essentielles. Ces deux visions sont incompatibles, l'une étant individualiste, verticale et marchande, l'autre socialisée, horizontale et essentiellement non marchande. La première fait de la culture un bien de consommation, la seconde la considère comme un lien social. L'évolution récente de la propriété intellectuelle en est la traduction fidèle. Elle durcit toujours plus la relation juridique entre propriétaire et récepteur. Et si elle tolère le public, c'est plutôt parquet avec une caisse à l'entrée. De fait, cette conception intégriste de la propriété intellectuelle rejette les notions de public hors la salle et d'autonomie de circulation des œuvres. En témoigne la guerre livrée à la copie privée, un droit jusque-là concédé à la sphère familiale hors but commercial. Mais en dépit de ces attaques procédurières, rien n'est encore écrit, car comme le dit Peter Tsendi à propos de la musique, nous ne sommes donc pas une communauté d'auditeurs à l'écoute d'un même objet qui nous réunirait, tel ce peuple d'oreilles muettes dont semblait rêver Wagner, nous sommes une addition de singularités qui veulent chacune se faire entendre. La mise au pas de ce public n'aura pas lieu.